À 10 heures du matin, Glenarvan donna le signal du départ. Les outres de cuir furent remplies d'eau et l'on partit. Nul incident ne se produisit pendant les journées du 2 et du 3 novembre, et le soir, les voyageurs campèrent à la limite des Pampas, sur les frontières de la province de Buenos Aires. En 22 jours, près des 2/3 du chemin se trouvaient heureusement franchis. Depuis qu'ils étaient partis, les voyageurs constataient une amélioration notable dans la température. Sa moyenne ne dépassait pas 17 degrés. On s'avançait donc avec ardeur et confiance. Souvent, la ligne de l'Est côtoya ou coupa des petites lagunes, faites tantôt d'eau douce, tantôt d'eau saumâtre. Sur ses bords et à l'abri des buissons, sautillaient de légers roitelets et chantaient de joyeuses alouettes, en compagnie des tangaras, ses rivaux en couleur des colibris étincelants. Ces jolis oiseaux battaient gaiement de l'aile sans prendre garde aux étourneaux militaires qui paradaient sur les berges avec leurs épaulettes et leurs poitrines rouges. Aux buissons épineux se balançaient, comme un hamac de créole, le nid mobile des Anubis, et sur le rivage des lagunes, de magnifiques flamands marchant en troupes régulières déployaient leurs couleurs de feu. Thalcave s'était souvent arrêté pour observer l'horizon, et chaque fois son visage avait exprimé un assez vif étonnement, car il s'étonnait de ne rencontrer ni indiens ni traces d'indiens dans les plaines. Mais il dit à Glenarvan, il faut continuer notre route, à l'est, jusqu'au fort Indépendance. Car il s'agissait de conserver à tout prix la piste du capitaine. Vers 4 heures du soir, une colline. C'était la Sierra Tapalquen, au pied de laquelle les voyageurs campèrent la nuit suivante. À midi, on dépassait le fort abandonné de Tapalquen, premier anneau de cette chaîne de fortins tendue sur la lisière du sud contre les indigènes pillards. Mais d'indiens, on n'en rencontra pas l'ombre. Cependant, d'après les ordres de Thalcave, on marchait en peloton serré. Le lendemain, Glenarvan et ses compagnons se retrouvaient dans la plaine. Les premières estancias qui avoisinent la Sierra Tandil furent aperçues. Les arbres, si rares depuis la cordillère, reparurent alors. Il y avait là des azédaraques, des pêchers, des peupliers, des saules, des acacias. Ils entouraient généralement les corrales, vastes enceintes à bétail garnies de pieux. Le sol un peu salin, qui s'étend au pied des montagnes, convient admirablement aux troupeaux et produit un fourrage excellent. On le choisit donc de préférence pour l'établissement des estancias. Pendant cette journée du 6 novembre, on rencontra plusieurs estancias et aussi un ou deux saladeros. C'est là que le bétail, après avoir été engraissé au milieu de succulents pâturages, vient tendre la gorge au couteau du boucher. Le saladero, ainsi que son nom l'indique, est l'endroit où se salent les viandes. C'est à la fin du printemps que commencent ces travaux répugnants. De ces enceintes horribles s'échappaient, avec une atmosphère chargée d'émanations fétides, des cris féroces d'écorcheurs, des aboiements sinistres de chiens, des hurlements prolongés de bêtes expirantes, tandis que les ouroboux et les auras disputent au boucher les débris encore palpitants de leurs victimes. Thalcave pressait la marche. Il voulait arriver le soir même au fort Indépendance. On passa à gué le Rio de los Huesos. Bientôt, la Sierra Tandil offrit aux pieds des chevaux le talus gazonné de ses premières pentes. Et une heure après, le village apparut au fond d'une gorge étroite dominée par les murs crénelés du fort Indépendance.